Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Benoît Kiefer. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette quatrième saison, le podcast 2030 Glorieuse, il est toujours soutenu par la NEF. C'est la banque des 2030 Glorieuses. C'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est surtout un soutien qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes comme Benoît aujourd'hui. Nous sommes à Lyon et je suis heureux de te donner la parole. Benoît, toi, tu es co-gérant de Tout en Vélo Lyon. C'est une coopérative de cyclo-logistique qui fournit des solutions sur mesure pour transporter tout type de marchandises à Lyon et à sa métropole. Et vous avez une petite spécificité puisque vous développez aussi toute une gamme de produits, vélo cargo, vélo remorque, j'ai même vu vélo tracteur, on en reparlera. Ensemble, nous allons du coup parler de la Slow City, du vélo comme une opportunité de reprendre sa juste place sur son territoire, vaste programme. Pour commencer, Benoît, et je vais calmer un peu ma voix parce que je pars sur les chapeaux de roue, je pose la même question que je pose à toutes les personnes quand on commence l'interview. Tu me disais en avoir écouté une ou deux, donc normalement tu es prêt. Imagine que tu es dans un événement, une soirée où tu rencontres des personnes pour la première fois, arrive très rapidement cette question fatidique et toi tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors avant de répondre, c'est une question où pendant longtemps, avant de faire ma reconversion professionnelle, je détestais y répondre et je cherchais des moyens de la contourner. Donc je répondais que je fais du ski de rando ou que je fais de la course à pied ou que je fais que je suis trésorier d'une association pour le développement du vélo, ce genre de choses. Et je ne voulais absolument pas dire quel était mon métier parce que je trouvais ça débile que ce soit la première chose qui me définisse. Aujourd'hui, j'essaye encore de le faire, mais il se trouve que ce que je fais professionnellement me prend quand même beaucoup de temps. Oui, et me plaît aussi, bien sûr, mais surtout, c'est quand même la chose qui est devenue très centrale dans ma vie. Donc, j'ai pas trop le choix que de le dire. Donc, ce que je dis de façon très simple, c'est que je suis co-gérant d'une coopérative de transport à vélo. Donc, que je transporte toutes sortes de trucs à vélo à Lyon. Ça marche bien hein, sur LinkedIn. J'ai vu ton profil, effectivement, des co-gérants de Tout en Vélo, avec la belle photo de profil, le texte qui donne de l'allant. Bravo pour tout ça. Et ça, je pense, répond bien au code de notre époque. Pour les 2030 glorieuses, ça parle pas des masses. Et donc, je trouve qu'on a ce travail de renommer les métiers pour les revaloriser. Co-gérant, comme tu le disais, finalement, ça veut tout et rien dire. Puisque là, tout de suite, tu as parlé de la livraison de différents types de marchandises à vélo. On le disait en introduction aussi avec toute une partie de développement d'une gamme de vélo cargo. Est-ce que tu dirais plutôt, du coup, si on devait vraiment parler de la finalité de ton activité, que tu es cyclo-logisticien, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te définirait bien? Oui, tout à fait. Tout en Vélo Lyon, c'est une coopérative de cyclo-logistique. Je dois avouer que j'ai un peu arrêté d'utiliser ce terme parce qu'il ne parle pas beaucoup aux gens. Donc, en général, on dit « Ah, la cyclo-logistique, qu'est-ce que c'est? Tu répares des vélos ?» Non, je répare pas des vélos, je transporte des trucs à vélo. Donc j'ai trouvé que c'était une façon un peu plus simpliste et du coup peut-être un peu pas péjorative, mais ouais, vraiment simplifiée de décrire ce que nous faisons. Mais bon, c'est un peu par paresse, c'est plus simple. Mais effectivement, on est complètement dans ce qu'on appelle la cyclo-logistique. Ouais, sinon je me disais, tu vois, mais en fait ça marchait pas. Je pensais, je sais pas, spécialiste du dernier kilomètre ou des choses dont on n'entend plus en plus parler. Mais en fait, ça veut pas dire que tu le fais forcément à vélo. Je me disais slow transporteur aussi peut-être, mais c'est pareil, ça marche pas tout à fait, non ? Oui, en fait, ça dépend. Je répondrai pas pareil à la question si tu me demandes pourquoi je le fais, comment je le fais et qu'est-ce que je fais. Hein, le cercle dehors, Cinec, etc. Tous les entrepreneurs et les entrepreneuses sauront de quoi je parle. Si tu me poses la question sur un peu le pourquoi, sur l'état d'esprit, je te dirais, moi, mon métier, c'est de réenchanter la ville, notamment sa partie logistique, par le vélo, parce que je crois beaucoup au vélo. Alors, il y a la partie logistique qui est mon métier aujourd'hui, mais il y a la partie développement du vélo qui est un engagement associatif que je porte depuis pas mal d'années. Donc moi, je crois beaucoup au vélo en tant que moyen de réenchanter la ville, de revivifier la ville, notamment. Donc après, on peut décrire mon métier de plein de façons différentes. Si je dis vraiment très concrètement ce que je fais, bon, je suis coursier vélo. Alors avec l'aspect aussi gérance, qui fait que bah, je gère... ou plutôt je gérerai bientôt d'autres coursiers à vélo, et coursiers et coursières, en tout cas j'espère, avec d'ailleurs le côté, comment je veux dire ça, je me définis pas comme chef d'entreprise, parce que dans chef d'entreprise il y a chef, et j'ai pas envie d'être un chef. Je crois beaucoup au principe de hiérarchie horizontale par exemple. Alors que dans gérance, finalement, il y a le côté gestion. Donc oui, avec mon co-gérant, on est deux co-gérants. On a cette charge de la gestion, notamment administrative de l'entreprise, la responsabilité juridique. Mais notre but, en tout cas moi, un de mes objectifs, c'est que notre entreprise, elle soit très largement autogérée. Donc que la gestion humaine, que la gestion même opérationnelle, que les responsabilités, que le pouvoir de décision, ils soient partagés. Vraiment de façon très équitable. Et donc je voulais justement te poser la question du pourquoi et du comment. On va donc commencer le pourquoi, et tu disais réenchanter la ville. J'ai bien aimé cette formule, réenchanter la ville, parce qu'on voit des gens qui se déplacent à vélo. En quoi ça réenchante une ville d'avoir des cyclo-logisticiens un peu de partout ? Alors des cyclo-logisticiens et ou des vélos, les deux vont ensemble. Je ne sais pas si je vais réussir à séparer les deux, mais cyclo-logisticien, déjà, c'est quand même quelque chose qui est encore nouveau, récent. Donc, quand on passe, alors je vais parler pour moi-même, mais moi, quand je me promène en travaillant en ville avec mon vélo, ma remorque, où je tracte plusieurs arbustes, des agrumiers de 2 mètres de haut sur les berges du Rhône, les gens, ça les fait réagir, et positivement, les gens, ils se retournent, ça les fait sourire, ils prennent des photos quand ils ont le temps. En général, j'essaie d'aller relativement vite quand même, donc ils n'ont pas forcément le temps de sortir l'appareil photo, mais il y a les enfants qui regardent, les parents qui disent « Ah, regarde, le monsieur, il transporte je sais pas quoi, parce que je transporte des choses diverses et variées ». Donc, il y a ce côté, c'est sympa, quoi, et ça, je sens, voilà, à une petite échelle, que ça donne un peu de positif aux gens dans leur journée, quoi. Ils disent, oh, ils ont vu un truc qui est original et qui est sympa, quoi. Ouais, c'est pas banal. Après, de façon plus concrète ou moins poétique, on va dire, un vélo cargo ou un vélo avec remorque, comme on fait nous, l'enjeu, nous, c'est de remplacer de la camionnette. Le vélo, bah, il fait moins de bruit, il est moins dangereux, il prend moins de place. On voit un peu plus ce qui est transporté aussi. Il n'y a pas le côté opaque de la camionnette qui est fermée, qui est un peu une boîte noire. Donc c'est un autre aspect de réenchanter la ville. Et à l'inverse, enfin, dans l'autre sens, pour le ou la coursière sur le vélo, le fait d'être sur le vélo et pas dans une camionnette, tout comme quand on est à vélo et pas dans une voiture, on est en contact direct avec ce qui nous entoure. Donc que ce soit les sons, les bruits, la lumière, voilà, on établit un lien avec les autres gens qui nous entourent beaucoup plus facilement, même s'ils ne se matérialisent pas par une discussion ou par quelque chose, mais on sent quand même qu'on a ce contact, on est au contact de ce qui nous entoure beaucoup plus facilement que quand on est entouré d'une carrosserie fermée. On l'a fait, la ville, en fait. Plutôt que de la traverser, on sent qu'on appartient en réalité et qu'on participe. J'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu plus empuissantant du vélo. Et en plus, tu l'as dit, il y a tous les défis de notre siècle. On aurait pu les limiter aux défis écologiques, donc émissions des gaz à effet de serre, pollution de l'air. Mais en réalité, tu as parlé de pollution sonore, tu as parlé de risques. On imagine une ville beaucoup plus apaisée. Et puis, en bout de chaîne, ou pas d'ailleurs, c'est des emplois en plus, des personnes qui font ces emplois qui, je pense, ont développé un sentiment de fierté, qui se sentent utiles, et puis qui sont en plus en bonne santé parce qu'ils sont sur leur vélo toute la journée. Ça, vous le prenez en compte ou pas tant que ça ? Alors, disons qu'il y a des choses qui sont vraies, d'autres avec lesquelles je suis moins d'accord. La question de la santé, elle est un peu ambivalente quand même. Hein. Je commence par le côté un peu, pas négatif, mais presque. On dit en général que l'air est plus vicié à l'intérieur d'un habitacle qu'en extérieur, c'est pas le cas. Alors ça, il me semble que oui. Par contre, le fait de travailler à vélo, on est quand même sur des métiers qui sont physiques. Il y a la partie vélo, mais la partie vélo, quand on pédale, c'est la partie facile. On a des vélos électriques, donc ça aide bien quand même. Faut pas complètement le sous-estimer, mais c'est quand même la partie facile et sympa. Après, avant et après le vélo, il y a souvent de la manutention. On transporte des charges qui peuvent être lourdes, donc c'est quand même, ça a quand même un impact physique et c'est quelque chose qu'on prend en compte le plus possible. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau du réseau tout en vélo sur ces questions-là pour limiter ça, mais de fait, ça reste un métier où il faut quand même faire gaffe à la façon dont on travaille. Après, oui, moi je suis intimement convaincu, et c'est pour ça que j'aime beaucoup partir en livraison moi-même, qu'à vélo, on est beaucoup plus dans une approche vivante de la ville. On vit la ville. Et on aide la ville à vivre, on participe à la vie de la ville en étant à vélo beaucoup plus que quand on est dans une boîte de métal qui nous coupe complètement du lien vivant, organique qu'on peut avoir avec la ville. Et ça, c'était le pourquoi et le comment, donc c'est à vélo. Mais en plus, moi j'ai vu que tout en vélo, Lyon, c'était pas le premier tout en vélo. Vous vous êtes lancé en 2022, donc l'année dernière. C'est une coopérative. Il y a un vrai mouvement, il y a une vraie dynamique dans laquelle vous insérez. C'est pas juste, tiens, moi je suis entrepreneur, j'ai senti qu'il y avait ça à créer parce que ça manquait. Et potentiellement, c'est aussi une belle opportunité de se positionner sur un marché en pleine expansion et donc pourquoi pas de se faire la thune. C'est un peu plus compliqué que ça, hein, votre démarche quand même. Tu commençais à le dire, mais j'aimerais bien t'entendre aussi là-dessus. Oui, alors il y a plusieurs choses, je vais essayer de répondre à tout. La première chose, alors tu disais avoir une opportunité business pour faire de la thune, ça de fait en étant en coopérative, donc on est sous statut SCOP, en étant en coopérative, on ne fait pas ça pour l'argent. On sait par exemple que l'argent qu'on a mis, mon associé et moi, au capital, etc., on ne va jamais faire de plus-value dessus, on ne va jamais revendre une coopérative, ça ne se revend pas. Donc on est sur un modèle à lucrativité limitée. Donc déjà de fait, on a par conception, éliminer cette possibilité de gagner de l'argent ou gagner beaucoup d'argent. Le but, c'est de se rémunérer sur des salaires et de façon le plus confortable possible, mais voilà. Après, pour parler vite fait du réseau Tout en Vélo, donc effectivement, Tout en Vélo, ça existe depuis une dizaine d'années. On a fêté nos 10 ans en 2022. Enfin, le réseau a fêté ses 10 ans en 2022. Ça a démarré à Rennes, donc il y a 10 ans, 11 ans presque maintenant. Aujourd'hui, il y a des coopératives Tout en Vélo dans une dizaine de villes en France. Et il y a un réseau national Tout en Vélo, qui est aussi une coopérative, mais d'un statut différent, qui fédère le réseau au niveau national et qui a cette activité que tu mentionnais un peu plus tôt au tout début de l'interview, de conception, fabrication de remorques sur mesure de matériel de vélo cargo, etc. Ça, là, tout ce qui est fabrication, conception de matériel, on ne le fait pas à Lyon. Tout est fait par l'antenne, enfin la structure nationale Tout en Vélo, qui est basée aussi à Rennes, comme la SCOP originelle Tout en Vélo. Ok, et donc on peut trouver des Tout en Vélo pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'en fait le podcast il est essentiellement suivi en France, c'est vrai, mais aussi en Belgique, au Canada et tout. Non, ça, le Tout en Vélo, c'est en France, on est d'accord. Et dans des grandes villes, tu le disais, Rennes. Rennes, Caen, Rouen, Le Havre, Dijon, La Rochelle, Grenoble, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Créteil. Et d'autres qui sont en cours de lancement, je ne sais pas si j'ai le droit de les dire, donc pour l'instant je ne les dis pas. Mais donc ça veut dire que toutes les personnes qui nous écoutent et qui disent bah en fait moi j'ai besoin de services, notamment de déménagement, de transport de marchandises, ce genre de choses, bah ils peuvent contacter tous ces Tout en Vélo un peu partout. Et toutes les personnes qui disent mais en fait moi ça serait mon boulot de rêve, j'aimerais trop me lancer, bah eux ils peuvent aussi pourquoi pas contacter la maison mère, hein, tu nous parlais de cette centralisation à Rennes, et voir s'il n'y a pas déjà un projet de lancement dans leur ville, et pourquoi pas faire comme toi, te rapprocher. C'est ce que j'imagine que tu as fait, hein. Tu t'es rapproché de l'équipe de Rennes et puis ils t'ont expliqué un peu la démarche. Ils avaient peut-être un livret blanc, un manuel, quelque chose. Alors concrètement, en fait, il y a un appel à candidature qui est lancé tous les ans par Tout en Vélo pour trouver des porteurs et des porteuses de projets dans des nouvelles villes. Il y a quand même une règle plus ou moins écrite de se concentrer sur les villes de plus de 100 000 habitants. Ça élimine quand même certaines villes. Après, pour des projets, en termes de business model, c'est ça ? Oui, parce qu'on considère que dans les villes plus petites, ça peut être compliqué de trouver d'avoir assez de volume. Mais tout peut se discuter, hein. Un dossier solide peut se défendre. Donc, il devrait y avoir le prochain appel à candidature devrait être en 2023, du coup. Nous, on a répondu fin 2021. Là, c'est la promo fin 2022. Ouais, c'est ça. Donc, il devrait y en avoir un là dans les 6 prochains mois, normalement. Et oui, alors on cherche par exemple des porteurs de projets dans des villes comme Strasbourg, Lille, des villes où on pourrait être, notamment Strasbourg. C'est presque étonnant qu'on la capitale européenne du vélo, bien sûr. Mais il n'y a jamais eu en fait d'équipe pour porter un projet à Strasbourg pour tout en vélo. Donc voilà, ça fonctionne plutôt comme ça. Après, si des gens nous écoutent et voudraient se lancer dans l'aventure, oui, elles peuvent toujours contacter tout en vélo et on verra bien ce qui peut en advenir. Et après, une fois que l'appel à candidature a été fait et que des candidats et des candidates ont été sélectionnés, il y a tout un accompagnement de plusieurs mois pour démarrer les tout en vélo dans les villes retenues. Et donc, tu parlais tout à l'heure de ces arbustes que tu déplaçais, de tout un tas d'objets plus loufoques les uns que les autres. Moi, je me posais la question de quels étaient vos clients principaux. Est-ce que tu serais en mesure de me dire, on a plutôt ce type de clientèle, on travaille plutôt pour tel type de partenaire, comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, on fonctionne quand même pas mal à l'opportunisme. Donc on travaille avec un peu tous les gens qui veulent travailler avec nous. Il se trouve que la plupart des gens qui veulent travailler avec nous aujourd'hui, c'est des gens avec qui on a des valeurs communes. Donc dans les clients que je peux te citer, on va voir, quand je parlais des arbustes, c'est pour la SPV, la Société Protectrice des Végétaux, qui est une boîte qui fait de la récupération de plantes chez des grossistes notamment, qui fait du gardiennage de plantes, etc. Donc c'est hyper cool. S'ils nous écoutent, on salue Nicolas. Voilà. Salut Nicolas. Dans un registre complètement différent, on a commencé à travailler avec un grand acteur des déchets pour de la collecte de cartons chez leurs clients. Donc on va collecter des cartons dans des entreprises plutôt que de le faire en camion ben. Nous, on le fait à vélo. Donc c'est hyper intéressant. Puis c'est un contrat qui est assez conséquent. Donc c'est des contrats qui font du bien. On a des contrats, un contrat qui est très sympa aussi avec Rebouteille pour de la collecte de bouteilles consignées. Donc on va dans notamment les supermarchés, les épiceries bio, que ce soit des chaînes comme Biocoop La Vie Claire ou des indépendants comme à Lyon, pour celles et ceux qui seraient dans le 7e ou 8e arrondissement, des Trois Petits Pois, La Petite Distrib, ce genre d'endroit. Et on va collecter en fait les bouteilles vides que les gens rapportent. On les ramène à notre entrepôt, Rebouteille vient les chercher et ensuite ça part dans la chaîne de lavage Rebouteille. Donc ça pareil, avant c'était fait en camionnette, aujourd'hui il y en a une partie qu'on fait à vélo, donc là c'est plutôt du premier kilomètre, on va collecter, on ramène chez nous et ensuite ça repart en camionnette jusqu'au centre de lavage en bouteille. Donc voilà, on est déjà rien qu'avec ça sur des typologies de clients et de contrats très différents. Après pour les particuliers, on aura une offre de déménagement, ça c'est par définition plus ponctuel, hein. C'est des clients one shot, en général les gens ne déménagent qu'une fois, en tout cas... à l'échelle du mois, ils déménagent rarement plusieurs fois dans le même mois. Donc, mais c'est la principale offre qu'on va avoir pour les particuliers en direct. Sinon, on est plutôt sur ce qu'on appelle du B2B, donc on travaille plutôt avec des entreprises. Pas encore la métropole. Quand tu me parlais des arbustes, justement, je me disais peut-être que voilà, tous les projets de végétalisation étaient portés par la métropole. Non, pas encore. Alors, on discute avec la métropole. Hein. J'ai des contacts avec... la plupart des élus de la métropole ou de la ville. On essaie de trouver des terrains de collaboration. Travailler avec les collectivités publiques, c'est sûrement très intéressant, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a des problématiques de commande publique, de marché public, d'appel d'offres. Sachant que nous, on est quand même tout petit, hein. Aujourd'hui, on est trois. Donc, on peut difficilement se positionner sur les appels d'offres de la collectivité qui sont en général beaucoup plus gros. Mais on est en train de répondre à certains, sur des sujets d'alimentation notamment, en groupement avec d'autres acteurs. D'autres entreprises de cyclo logistique et des acteurs des fournisseurs de produits bio par exemple, un transporteur plus classique avec des camions parce qu'on n'est pas encore capable de tout faire vélo. Donc oui, on essaye aussi de travailler avec le public. Moi, je pense que les acteurs publics, ils ont la responsabilité aussi hein, de créer cet engouement, cet effet d'entraînement et de faire en sorte que des projets qui sont là en développement comme les vôtres avec tout en vélo, ils prennent de l'ampleur, ils arrivent à avoir une belle assise. Je pense que c'est nécessaire, d'autant que la dernière question que j'avais pour toi avant de partir en 2030 Glorieuse, elle était plus, je sais pas si c'est pédagogique, en tout cas tu vois, je te disais, je pense que la métropole, ils ont intérêt à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de cyclo-logisticiens notamment, et que le vélo se normalise, parce que moi qui suis un fan vraiment du vélo comme moyen de déplacement et qui ne perd pas une occasion de me mettre sur ma selle, je constate de plus en plus que si on voit toujours plus de vélos en ville, on entend aussi, et j'entends tout particulièrement, de plus en plus de critiques à l'égard des vélos, notamment quand j'anime des voyages en 2030 glorieuses, quand je fais un barbecue végétarien, bien sûr, avec la famille, non, pas tout le temps, mais bon, vous voyez l'idée, et je vois qu'il commence à y avoir vraiment cette presque rancœur hein, à l'égard des vélos, des cyclistes. Est-ce que vous, vous constatez ça? Est-ce que toi, tu as déjà été la cible potentielle de ces attaques? Et si oui, comment on fait pour le dépasser ce malentendu? J'ai l'impression que c'est vraiment un malentendu. Alors, oui, j'ai déjà été confronté à ça. Alors, un peu au quotidien, hein, on a toujours des petites embrouilles avec les conducteurs d'engins motorisés. Ça va rarement très loin. Après, récemment, j'ai quand même eu une altercation assez absurde avec un taxi qui a fini par me menacer de mort. Je vous avoue que j'ai pas très bien compris. Enfin, bon, on va pas refaire l'histoire, mais il était sur le point de me rouler dessus. Je lui ai signalé et bon, il s'est énervé. Il a fini par me menacer de mort. Donc ça, j'avoue que je comprends pas très bien comment on peut en arriver là pour quelque chose d'aussi insignifiant, mais bon. On sent en tout cas que c'est révélateur d'une véritable tension, hein. Ouais. Il y a une tension. Alors, tu as utilisé le mot de malentendu. Il y a sûrement une part de malentendu. Je pense qu'il y a aussi une part de résistance. Bon, je pense qu'il y a quand même un système. Alors, un système, je ne sens pas dans le complotisme, mais le système automobile, l'hégémonie automobile, qui se traduit de plein de façons et qui est notamment ancré culturellement dans la tête de plein de gens. Comme un marqueur de réussite, parce que une belle voiture, ça nous pose là. Comme un marqueur de liberté, parce que la voiture, quand on regarde les pubs, on roule tout seul dans la ville ou dans la nature. Et donc, c'est, vous attaquez ça un peu d'une certaine manière, c'est ce que tu dis? On attaque ça et on remet en question une idée qui simplifie la vie en termes de réflexion, de se dire la voiture, ça permet de tout faire et il faut tout faire en voiture. On remet ça en question aussi. On dit aux gens, non, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire autrement en voiture et il faudrait le faire autrement qu'en voiture. Donc on a toujours, dès qu'on parle de vélo, il y a plein de gens qui disent « Ah oui, mais tel trajet, vous ne pouvez pas le faire à vélo, et puis transporter tel truc, vous ne pouvez pas le faire à vélo. » Alors en général, nous, on peut, mais bon, voilà. Donc on a cette résistance au changement d'état d'esprit. On oblige les gens à revoir un peu leur logiciel, à changer des choses qu'ils pensaient impossibles, de dire « Bah si, en fait, c'est possible, et en plus, c'est facile. » Donc ça, c'est perturbant. Alors après, il y a aussi des personnalités politiques qui savent utiliser ces enjeux-là à des fins politiques. Hein. Par exemple, enfin, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ces sujets-là, mais le maire de Caluire utilise des discours anti-vélo comme une posture politique et il sait que ça fait écho chez ses électeurs. Ça le positionne. Voilà, et moi j'ai un peu ce sentiment, alors j'ai pas la prétention d'être sociologue, mais j'ai un peu ce sentiment qu'il y a des espèces de discours convenus anti-vélo. Par exemple, la fameuse phrase, alors il y en a deux que les gens adorent quand ils aiment pas le vélo, c'est « les cyclistes font n'importe quoi » ou « les cyclistes grillent le feu rouge ». Et ça sort un peu comme un mantra régulièrement. Et moi je pense qu'en fait c'est juste une phrase facile à sortir dans un dîner. Quand vous êtes avec des gens qui pensent à peu près à la même chose, vous dites « Ah, les cyclistes, ils font vraiment n'importe quoi », tout le monde dit « Ah oui, c'est vrai, t'as raison ». Bon, c'est valorisant, quoi, voilà, j'ai dit un truc, tout le monde est d'accord. Et du coup, c'est cette idée, enfin, il y a comme ça des concepts, des phrases vides de sens, hein, « Les cyclistes font n'importe quoi », moi, je comprends pas, je sais même pas ce que ça veut dire. Et à force d'être repris par tout le monde, enfin, par des cercles, par des communautés de gens qui s'auto-approuvent en permanence, ça devient une vérité absolue, basée sur pas grand-chose. Mais je pense que ça a aussi cette espèce de lutte anti-vélo pratique ou enfin dans les faits ou dans les mots, elle a aussi un peu ce rôle de cohésion sociale dans certaines communautés. C'est un peu l'hypothèse que je formule ces derniers temps dans ma tête en tout cas. On va marquer une petite pause justement avant de faire ce voyage le plus extraordinaire, le plus écologique en même temps, de partir ensemble en 2030 glorieuse. Tu es venu avec une lecture que ça tombe bien, j'ai aussi dans ma bibliothèque puisque c'est Alain Damasio que tu vas nous lire avec un passage de son dernier roman Les Furtifs. Exactement, c'est un livre que j'adore, ça a été une vraie claque. Au-delà de l'histoire, je trouve qu'il décrit une société pas très lointaine dans le futur, qui est à la fois glaçante et avec des signes d'espoir incroyables. Tu es en train de feuilleter ton livre, il y a plein de post-it. Exactement. Dans tous les sens. Je meuble le temps de trouver la bonne page. Ça marche, allez. Voilà, il y a plein de passages hein, que j'aurais pu lire, mais allez, j'en ai choisi un. Bon, sans avoir du tout l'histoire, il y a des choses que les gens vont pas comprendre, mais c'est pas grave, vous lirez le livre. Absolument, c'est un bon teaser, on t'écoute. Peut-être que c'est grâce à Tichka, au fond, que nous nous sommes toujours sentis, Sahar et moi, en affinité avec des mouvances comme l'Inter, la Traverse ou la Céleste. Parce qu'ils et elles sentent et voient la ville comme une enfant pourrait la voir. Pour eux, un toit n'est pas la couverture d'un bâtiment qu'il sert à étanchéiser et point barre. C'est un îlot de possible au-dessus d'une mer gris-muraille. C'est un sol neuf pour construire une autre ville. Non par-dessus, mais par-devers elle. Afin que d'autres circulations, obliques à nos avenues, s'esquissent. Pour que des jardins poussent, des ruches s'installent, du soleil fasse énergie, qu'on y récupère la pluie pour la permaculture, le vent qui fait sonner les singing ringing trees qu'adore Sahar. Pour reprendre langue avec les oiseaux aussi, en leur offrant de quoi nicher. L'Inter, c'est plutôt la ville interstitiée dans la ville, un état d'esprit, vouloir habiter les espaces glissants, brumeux, nerveux ou piquants d'une urbanité qui les conjure, accrocher aux façades des maisons sac à dos, suspendre au pont des cahutes autonomes, monter des quartiers flottants sur le fleuve avec des palettes et loger des vieilles rames de tram entre deux immeubles pour en faire des cantines. Squatter aussi là où le business délaisse des milliers de mètres carrés de bureaux vides. Derrière les objectifs politiques de ces mouvements, au-delà du Take Back the City qui a commencé d'ailleurs en Irlande, ce sont au fond des affects animaux et enfantins qui nous portent, et c'est là toute leur puissance. Aimer se cacher, se nicher, faire terrier, aménager loin des prédateurs et près des ressources, retrouver une liberté dont la structure même de la ville a fait son lit et son tombeau, se rappeler qu'habiter est la première capacité des vivants. Nous avions emmené Tichka visiter la cité des métaboles une seule fois, mais cette visite l'avait particulièrement marqué, alors nous avons fini notre voyage mémorial là-bas. À l'origine, n'existait qu'une simple barre de 200 mètres de long sur 15 étages que 1400 habitants avaient racheté à Orange, en cumulant les cagnottes et avec l'intention d'en faire une C-cité, en pleine zone privilège. Une zone aveugle à la valorisation toute puissante du mètre carré qui dominait partout ailleurs. Et derrière ce C, chaque camarade y mettait son espoir. Cité du commun, de la commune, de la chaleur et de la création, du courage, de la colère calme et du cran, beaucoup de cran. On pourrait continuer pendant des heures, effectivement, et tu me donnes envie de relire Les Furtifs qui est sorti il y a quelques années déjà et que j'ai à la fois très en tête et que on a vite fait d'oublier quand même, et donc ça m'a donné envie de le relire. Et j'aime bien tout particulièrement cette idée de fusion avec le reste du vivant et de cette animalité un peu qu'il y a en chacun de nous et aussi de la part enfantine, comme tu l'as très bien dit avec l'extrait que tu nous as lu. Merci Benoît pour cette lecture. On essayait en 2030 Glorieuse, peut-être que tu as senti sous le canapé sur lequel tu es assis cette petite vibration qui fait que ça y est, c'est officiel, on est en 2030 Glorieuse. C'est un jeu de l'esprit, bien sûr. On va, nous, depuis notre conversation, depuis notre point de vue, depuis ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre échange, raconter aux personnes qui sont restées sur place en 2023 et qui nous écoutent à quoi ressemblent nos 2030 Glorieuses. C'est une responsabilité ou une chance, je ne sais pas. On va voir ce que vont donner les 20 minutes qui arrivent. Et donc, il y a une charge de parler au présent, puisque nous sommes en 2030 Glorieuse. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de futur. Hein. On est vraiment au présent des 2030 Glorieuses et de les colorer, les texturer, les nuancer, les complexifier au maximum pour que les personnes qui nous écoutent se disent bah, « bien sûr, je les vois, elles sont là, je les sens, je peux presque les toucher ». On est en 2030 Glorieuse, on a réussi. Réussi quoi ? Je ne sais pas, on va le décider ensemble, bien évidemment, et on a encore du boulot en 2030 Glorieuse. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et à la fois, on sent qu'on utilise d'autres boussoles et qu'on va dans le sens de reprendre notre place parmi le vivant, pour le vivant, par le vivant. Ma première question quand même, c'est que imagine là, on est ensemble en 2030 Glorieuse, on regarde par la fenêtre, qu'est-ce que toi tu y vois dans ces 2030 Glorieuses ? Moi j'y vois une ville vivante. Alors en vrai j'y vois aussi des montagnes au loin, parce que je suis dans une ville moyenne, On n'est pas dans les mêmes 2030 glorieuses, alors voilà, toi, t'es dans une petite ville. Pas trop loin des montagnes. Mais ça, ça a son importance parce qu'en 2030 glorieuses, les villes moyennes ont repris une place prépondérante en France, en tout cas. Mais voilà, je vois cette ville vivante. Je ne fais pas que la voir, d'ailleurs, je l'entends aussi. Je l'entends, donc quand j'ouvre ma fenêtre, j'entends des conversations de gens, j'entends des enfants jouer, j'entends peut-être des animaux, alors domestiques ou sauvages, ça je sais pas trop, parce que je connais pas assez les animaux pour savoir ce que j'entends, mais en tout cas il y a un peu ce bruit de fond sympa qui a remplacé les bruits d'automobiles, les klaxons, les motos pétaradantes et toutes ces choses-là. Donc ça c'est les premières choses que je vois et encore une fois que j'entends par ma fenêtre en 2030 glorieuse. On entend effectivement, tu le disais, le bruit des enfants et les motos pétaradantes qu'on écoutait il y a une dizaine d'années en arrière et qui nous sidéraient. Hein. À chaque fois qu'on entendait ce véhicule qui passait fortement, ça arrêtait tout le monde et ça nous laissait un peu quoi. Aujourd'hui, elles font de la place à beaucoup plus de fluidité et on y a forcément intégré de plus en plus de vélos. Mais les vélos, ils ont cette chance qu'ils sont beaucoup plus joueurs, beaucoup plus adaptables. Et donc, les routes sont plus aussi austères, aussi uniformes, aussi bétonisées. On a des chemins, on a le retour de la terre, on a le retour de la paille dans les villes, on a des tunnels, on a des passages un peu secrets, comme nous le suggérait aussi Damasio avec les furtifs. La ville, elle est devenue un peu plus broussailleuse peut-être. Ouais, c'est une sorte de chaos joyeux. Moi, j'aime bien cette notion-là. On a redécouvert en fait que le chaos, c'est pas quelque chose d'uniquement négatif. Que quand les vélos circulent et se croisent un petit peu n'importe comment, oui, c'est chaotique, mais c'est pas un problème. Là où, effectivement, il y a quelques années, en 2023, quand les voitures circulaient, fallait leur faire des voies de circulation avec des feux, fallait que tout soit bien rangé, sinon c'était ingérable et dangereux. Et maintenant qu'on a réglé, ou en tout cas qu'on a largement réduit la place de la voiture, on n'a plus besoin d'avoir une telle organisation militaire pour gérer nos rues. Donc oui, c'est des gens qui marchent un peu dans tous les sens, c'est des vélos qui roulent un peu dans tous les sens, en faisant quand même attention à ces piétons, évidemment. C'est des zones de végétation qui, pareil, ne sont plus coupées avec de l'herbe rase type gazon de golf et pas une seule mauvaise herbe. Alors, j'aime pas ce terme mauvaise herbe, mais je me rappelle jamais du terme que les spécialistes préfèrent, les adventices, je crois, je sais plus. Bref, que toutes ces herbes qui poussent un peu naturellement, en fait, on s'est rendu compte que c'est chouette aussi d'avoir de la végétation qui conquiert un petit bout de terrain en ville. C'est sympa d'avoir de la verdure qui apparaît au printemps, qui reste en été, qui disparaît après en hiver, forcément. C'est le jeu, mais... Ouais, d'ailleurs, nous, avec les enfants, je sais que en 2030 glorieuse, nos enfants sont particulièrement fans des moments où il pleut, parce que les jardins de pluie en viennent à déborder un petit peu. Et donc, on roule à vélo à moitié dans ces jardins de pluie qui ont débordé sur le reste de la route. Il y a de l'eau un peu de partout, on se mouille les pieds. Et finalement, on retrouve aussi à ces moments-là notre âme d'enfant, parce que être mouillé, c'est quelque chose qu'on redoute à chaque fois et qui pourtant nous laisse tellement heureux le moment où c'est le cas, parce que ça nous permet de nous arrêter, ça nous permet de regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Oui, alors je t'avouerai que à la fin de ma journée de livraison, quand j'ai les pieds mouillés depuis 3 heures, je suis pas sûr que mon âme d'enfant arrive vraiment à prendre le dessus, mais on fait avec. Bah, d'ailleurs, tu me fais la transition parfaite parce que en 2030 glorieuse, chaque ville de plus de, à l'époque c'était de plus de 100 000 habitants, je crois qu'aujourd'hui la cyclo-logistique s'est tellement développée, mais surtout normalisée et rentrée dans les us et coutumes qu'en réalité une ville même de 25-30 000 habitants, pour prendre la référence que j'ai, puisque j'ai vécu ma jeunesse dans une ville comme ça, bah, en réalité ça fait des centaines de tout en vélo partout en France. Hein. Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte au sein du réseau Tout en Vélo, et on a aidé d'autres qui voulaient se lancer par ailleurs. Hein, d'ailleurs, hein, Tout en Vélo a aussi essaimé en dehors du réseau Tout en Vélo. On s'est rendu compte qu'en redensifiant ce qu'on appelle les villes moyennes, la cyclo-logistique trouvait sa place. Toutes ces zones piétonnes qui sont apparues dans des villes plus petites, voilà, de 25-30 000 habitants, c'est des opportunités aussi de développer la cyclo-logistique. Notamment. Alors, on a pu s'appuyer sur le travail de précurseurs, hein, comme Stéphane qui s'est lancé en 2023 à Die. Peu de gens auraient parié sur le fait que la cyclo-logistique ait sa place à Die, et pourtant Stéphane a réussi. Et voilà, aujourd'hui, c'est une petite équipe qui sillonne Die et ses alentours à vélo. Donc oui, la cyclo-logistique à tirer son épingle du jeu, même dans des territoires où on pensait que la voiture serait indéboulonnable pendant encore un siècle. Et donc on déplace tout à vélo, c'est même plus une question aujourd'hui. Avant on se disait, mais est-ce que ça va être possible techniquement, est-ce que on pourrait même y penser, alors qu'aujourd'hui il y a tellement de formes, de sortes de vélos en plus, que en réalité la question se pose même plus. Oui, alors la question se pose toujours un peu, parce qu'on fait beaucoup plus de choses à vélo, ça c'est clair. On a aussi raccourci nos chaînes logistiques, on consomme moins tous et toutes, donc forcément ça fait moins de choses à transporter. Donc moins de choses à transporter, ça fait une part plus importante qui peut être transportée à vélo. Et on a relocalisé, donc il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées plus localement. Donc oui, beaucoup sont faits à vélo. Après, il y a encore des flux longue distance, etc., qui sont faits par des modes de transport plus lourds, hein. Le fluvial a repris une place très forte. Bon, sauf que à Die, par exemple, a priori, il n'y a pas de fleuve, donc le fluvial n'y a pas vraiment sa place. Mais voilà, en tout cas, on s'interface beaucoup plus intelligemment avec notamment des poids lourds, dont on a aussi optimisé le remplissage, dont on a optimisé les tournées. Donc oui, la cyclogistique a... Ah, j'ai plus les chiffres en tête, mais elle a bien fait x5 par rapport à 2023. Au moins, peut-être même x10, faudra voir les chiffres. Mais il y a encore une vague de progression possible, hein, vu qu'en 2050, on sera 100 000 cyclologisticiens et cyclologisticiennes en France. Donc oui, je me rappelle absolument plus la question initiale, mais la cyclogistique, en tout cas, a trouvé sa place dans toute typologie de territoire à travers le pays. Et ça veut dire aussi des vraies filières de formation, ça veut dire un vrai accompagnement aussi à la santé au travail qui fasse en sorte que les cyclogisticiens tiennent sur le temps long. Aujourd'hui, être cyclologisticien, c'est un métier qui est largement établi, reconnu, là où... À l'époque, on savait que tous les transporteurs en camion, les fameux camionneurs, étaient hyper importants, mais dont finalement assez peu de personnes voulaient le travail. Aujourd'hui, travailler comme cyclologisticien, j'allais dire presque tout le monde a envie d'y passer un moment ou un autre, parce que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir le nez au vent, de connaître autre chose, de rencontrer des gens. Raconte-nous un peu ça, cette fierté. Oui, tout à fait. En fait, ça a commencé. Beaucoup de choses qui se sont mis en branle en 2022 quand la Fédération professionnelle de cyclologistique s'est lancée. Donc à partir de là, comme tu l'écrivais, hein, des parcours de formation ont commencé à être mis en place. Le métier de cyclologicien, de cyclologisticienne a vraiment été reconnu, inscrit, a fait sa impression dans les conventions collectives, dans ce genre de choses. Donc oui, maintenant c'est un métier qui est ancré, qui est connu. Quand on dit cyclologisticien, cyclologisticienne, les gens savent de quoi on parle. C'est évident de dire je transporte tout et n'importe quoi à vélo, c'est un peu plus précis. Donc ça, c'est super chouette. Nous, chez Tout en Vélo Lyon, enfin, de façon générale, on accueille des personnes de tout âge, hein, et de tout genre. Après, on se rend compte aussi que vu que les gens, en 2030 glorieuse, ont plus de fluidité dans leur changement de métier, voilà, passent plus facilement d'un métier à un autre et ne voient pas le fait de devenir coursier ou coursière vélo comme une régression, mais comme une expérience intéressante. Comme tu le disais, hein, voilà, être cheveux au vent pour livrer des arbustes, ça a un côté sympa, mais c'est pas tous les jours facile. Donc en fait, on se rend compte qu'on a des gens qui restent plusieurs années, qui s'investissent à fond et qui ensuite, de façon naturelle, passent à autre chose. Voilà, et on a un peu ce roulement sur les métiers qui sont quand même physiquement un peu durs pour que chacune, chacun puisse, à une période dans sa vie, pour celles et ceux qui en ont la possibilité, mettre un peu la main à la pâte physiquement et puis... Et puis dans d'autres phases de leur vie, vont sur les choses qui sont un peu moins pénibles pour le corps. Donc on a aussi trouvé collectivement et socialement cette façon de fonctionner qui permet d'adoucir un peu la charge pénibilité de nos métiers. Se pose d'ailleurs la question, hein, en 2030 glorieuse, de savoir si on ferait pas bien de normaliser le fait de faire ces métiers justement bons pour la planète, bons pour les autres, bons pour nos villes, et de faire en sorte que on ait chacun 2-3 années d'une sorte de service où on mettrait nos métiers à faveur justement notre énergie, pourquoi pas de la jeunesse, mais pas que, à faveur d'être cyclologisticien, mais pas que. On a besoin de plus en plus de personnes dans les champs, on a besoin de régénérer les forêts, on a besoin de faire tellement de choses qu'il y a besoin d'avoir ces bras-là, et donc de temps en temps se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse, ça fait partie de ces conversations qu'on a en 2030 glorieuse. Oui, ce qui est très beau, c'est qu'on n'a même pas eu besoin de mettre en place un espèce de service civique plus ou moins obligatoire sans vraiment le dire ou très largement recommandé, parce qu'en fait, les jeunes, alors je ne sais pas jusqu'où ça va la jeunesse, mais les gens en tout cas qui sont suffisamment en forme pour faire des métiers physiques, en fait, ils vont de bon cœur parce que ces métiers sont aujourd'hui valorisés de plein de façons, hein, que ce soit leur utilité sociale est reconnue, les salaires, parce que bon, on est en 2030, il y a encore des salaires, il n'y a pas encore de revenus universels, mais les salaires ont aussi été revalorisés. Donc c'est des métiers vers lesquels les gens n'ont plus peur d'aller, que ce soit par souci matériel ou par souci d'image, de valorisation sociale. Donc pour toutes ces raisons, oui, le métier attire, nos métiers attirent des gens de tous horizons. Un beau tournant, c'est 2027, hein, la Convention citoyenne pour la mobilité active qui a beaucoup aidé. On a parlé de la place du vélo, on a eu des grands temps de réconciliation, hein, presque, avec tous ces automobilistes qui devaient se désintoxiquer de leur bagnole. Aujourd'hui, on n'entend plus autant pester contre le cycliste. L'utilisation du vélo est apprise de manière beaucoup plus régulière à l'école. On a aussi tous ces vélorussions qu'on voit partout dans les villes, presque un peu comme on a eu les marches des fiertés il y a quelques dizaines d'années en arrière. Enfin, le vélo, c'est vraiment un outil de libération qui est devenu désirable en réalité. Oui, qui est devenu désirable et qui est devenu normal. Et c'est cette convention, alors il y a eu cette grande convention un peu à l'échelle nationale qui a eu un très grand effet, beaucoup d'écho. Et à l'échelle locale, ce qu'on met en place d'assez intéressant avec les assos, hein, comme la Ville à Vélo à Lyon ou du Paris Ancel à Paris et les autres que je ne citerai pas parce que je ne suis jamais passé dedans, mais qui font un travail formidable aussi, on a mis en place des espèces de comités qui s'inspirent un peu de la justice restaurative. Donc alors là on met pas des criminels face à des victimes parce qu'il n'y a pas de criminels et de victimes dans l'histoire, mais on met des automobilistes, des cyclistes, peut-être même des trottinettistes et des motards autour d'une table et on discute, on dit bah voilà, calmement au sein d'un cadre de bah quels sont les enjeux de chacune et de chacun, pourquoi est-ce que le cycliste peut faire des mouvements d'humeur quand l'automobiliste fait ceci ou cela, pourquoi est-ce que l'automobiliste parfois se sent gêné par telle ou telle pratique des autres modes, etc. Donc ouais, ça a permis quand même beaucoup d'adoucir les relations entre usagers et usagères. Oui, et puis il faut le dire aussi, le fait d'avoir eu un moment ce gros basculement qui fait que bah, en fait, la priorité était donnée justement à ces mobilités douces, à ces mobilités actives, a fait que bah, il y a dû avoir beaucoup plus d'humilité aussi, hein, chez toutes les personnes qui continuaient à utiliser malgré les coûts, malgré aussi bah, un peu cette honte maintenant qui se sent chez les personnes qui utilisent les mobilités thermiques. Et donc, bah, je crois que ça fait du bien aussi un peu d'inverser le rapport de force. Nous, maintenant, les cyclistes, peut-être qu'on se sent pas aussi dominant, peut-être qu'on fait preuve d'un peu plus de bienveillance, mais je crois que ça aussi, ça a beaucoup joué, cette échelle de valeur, ce nombre de cyclistes de plus en plus présents partout sur le territoire, notamment dans nos villes. Bien sûr, et puis un peu l'esprit de communauté, l'esprit de corps qui joue à plein. Et une chose intéressante quand même qui s'est passée ces dernières années aussi, c'est que pas mal de nos concitoyennes, concitoyens qui avaient l'habitude de se déplacer en voiture, on va dire plutôt de la classe moyenne, quand le diesel, alors non, le diesel il a été interdit depuis quelques années déjà, mais quand l'essence a dépassé les 4 euros du litre, bon, pour beaucoup de gens, ça commence à devenir vraiment compliqué, même des gens qui n'étaient pas au seuil de pauvreté, hein. Des gens, je sais pas, des profs, des professions, voilà, de revenus, on va dire, moyens, en fait, qui avaient vraiment du mal à payer leur essence. Et le fait que les cyclistes, que ce soit par le biais d'associations ou juste par le biais de relations humaines directes, et aider ces personnes à se mettre au vélo en donnant des conseils, en les accompagnant sur leur trajet. Le fait qu'il y ait eu ces organisations à plein d'échelles différentes pour aider les gens qui ne pouvaient plus prendre leur voiture pour des raisons de coût, pour les aider à passer au vélo, ça a aussi vachement aidé. Et ça a contribué aussi justement à ce que les cyclistes, cette espèce de choses, de catégories un peu uniformes qu'on utilise en 2023, alors que bon, ça décrit plein de réalités différentes, les cyclistes. En tout cas, ce groupe, les cyclistes, n'est pas devenu un espèce de groupe dominant on n'a pas remplacé l'hégémonie automobile par l'hégémonie cycliste. On est juste passé à quelque chose de logique et normal, de dire, bah, en fait, le vélo, ça marche bien, c'est chouette, donc les gens l'utilisent, et sans en faire, en fait, un marqueur social. On parlait de marqueur social tout à l'heure. Les gens sont contents de faire du vélo, sont fiers de faire du vélo, mais n'utilise pas cette caractéristique comme, comme un outil de domination sur les autres gens autour. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que là où on aurait pu se dire que le vélo allait remplacer la voiture dans tous les foyers, dans tous les garages, et donc chacun avait son vélo à lui, et peut-être même 2-3 vélos pour partir ensuite en vacances, et pourquoi pas pour aller travailler, etc. Bah, en fait, non. Le vélo, lui, est beaucoup plus partagé, il est beaucoup plus communautaire. On s'échange les vélos, on se les prête, on se les loue, parce que de temps en temps, on a besoin d'un vélo cargo, de temps en temps, on a besoin d'une randonneuse, de temps en temps, on a besoin d'un vélo rapide. De temps en temps, c'est le vélo de course pour tourner avec les amis en montagne le week-end. Et donc, en fait, on a moins ce sentiment d'appropriation, de propriété qui était le marqueur du véhicule automobile. Oui, complètement. Alors, on a aussi le côté... On a enlevé le côté consumériste du vélo qu'on avait il y a quelques années où notamment les gens par exemple qui font du vélo sportif avaient un peu cette volonté d'avoir tous les 2-3 ans le nouveau vélo, le vélo en carbone avec la nouvelle version Multegra ou de freins électriques, etc. où il y avait un gain marginal pour de la haute performance, mais où pour le commun du mortel bon, c'était plus gadget qu'autre chose. Mais voilà, tout comme on changeait de téléphone tous les 6 mois, on changeait de vélo tous les 3 ans. Bon, on est un peu sorti de ça, donc y a encore des gens, et j'en fais partie, qui ont plusieurs vélos, parce que c'est quand même agréable de pouvoir passer de l'un à l'autre. Il y a quand même cet amour de l'objet, mais on est sur des vélos qu'on bricole plus, qu'on s'approprie plus, qu'on customise. C'est important quand même d'avoir un vélo customisé quand on s'en sert beaucoup, voilà, à adapter pour son usage. Donc on s'est réapproprié aussi le côté mécanique du vélo. Et je trouve que ça c'est intéressant. Qui autonomise beaucoup d'ailleurs, face à une voiture, on était bien peu de Français à savoir se dépatouiller dès qu'il y avait un problème mécanique. Face au vélo, en réalité, tout le monde réussit à un moment à trouver la solution. Enfin bref, c'est devenu quelque chose de complètement normalisé. On a des cours de réparation de vélo à l'école maintenant, tout le monde sait bidouiller un vélo. Oui, tout à fait, et puis c'est quelque chose qui se transmet de père en fille et de mère en fils, qui se transmet entre copains, entre copines. Entre frères et sœurs, etc. Donc oui, c'est un peu comme il y a 60 ans ou 70 ans, on bricolait la deux chevaux. Bah maintenant, on rebricole les vélos parce qu'en vrai, quand on bricolait la deux chevaux, on bricolait aussi les vélos. Hein. On réinvente un peu quelque chose qui a déjà existé, mais ouais, on est sur aussi des vélos un peu plus simples. Hein. Réparer un cadre carbone, c'était quand même assez complexe. Donc on est revenu sur des matériaux un peu moins performants, mais plus réparables. Voilà. Le bon vieil acier qui va bien. Hein, et puis. On est d'accord. Toi, d'ailleurs, tu fais quoi, Benoît, en 2030 glorieuse ? Tu sais ? C'est la question piège en général. Autant pour partir loin, il n'y a pas de souci, mais autant pour parler de soi en 2030 glorieuse, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Je fais quoi ? Bah déjà, alors je l'avais dit quand je racontais ce qu'il y avait à ma fenêtre, hein, je vis plus proche des montagnes. Hein. Donc je passe beaucoup plus de temps en montagne. Pour un côté loisir, hein. Alors malheureusement il y a de moins en moins de neige, donc le ski de randonnée c'est devenu un peu compliqué, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire en VTT, en randonnée et en escalade, etc. Je m'implique un peu dans la vie des refuges, notamment en montagne. Voilà, il m'arrive de faire quelques mois en saison comme aide-gardien de refuge dans la Vanoise, parce que j'aime beaucoup la Vanoise. Donc ça c'est quelque chose qui me porte bien. Et à côté de ça, j'aide en fait les personnes qui cherchent à entreprendre différemment, donc par exemple à monter des coopératives, à mettre en place leurs projets, à s'interroger, ou j'aide les coopératives existantes à s'interroger sur leur gouvernance, sur la façon de fonctionner ensemble, etc. C'est une activité que j'avais déjà commencé un peu à ébaucher en 2023, mais que j'ai vraiment creusé depuis. C'est l'organisation d'ateliers, d'intelligence collective, de séminaires, de réflexion, etc. Mais principalement, enfin même uniquement pour des entreprises qui cherchent à avoir plus d'impact, plus de sens, aider ces entreprises à devenir des organisations qui font communauté, qui soient vivantes. Donc voilà, ce qui occupe le plus gros de mes journées, c'est ça en 2030. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se sont dit, ben voilà, moi, là, c'est ville du, tu l'as pas dit comme ça, mais du joyeux bordel, je signe tout de suite. Si on revient en 2023, c'est ma dernière question pour toi, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme pas supplémentaire pour les faire advenir les 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble, qu'on a imaginées ensemble pendant une vingtaine de minutes? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on tire comme fil? Quel levier on active? Alors, de façon un peu cryptique, je répondrai les enfants. Je vais préciser. D'ailleurs, c'est le passage du livre que j'ai lu tout à l'heure qui m'y a refait penser. C'est concevoir une ville par et pour les enfants. Alors, il se trouve que moi, j'ai pas d'enfant en 2023. Je sais pas si j'en ai en 2030, pour être honnête. Mais c'est quelque chose dont je suis de plus en plus convaincu. De réinventer la ville, réenchanter la ville avec un regard d'enfant. Et de dire, en fait, comment est-ce qu'un enfant a envie de vivre dans une ville ? Et de pas avoir une ville où on tient l'enfant par la main en permanence parce qu'on a peur que ceci ou cela, où on se sent pas obligé d'avoir un SUV avec un siège enfant pour emmener son enfant à l'école parce qu'en fait, il y a d'autres manières de faire que ça. Donc ouais, je pense que penser la ville avec et pour les enfants pourrait être une bonne idée, même si ça reste très conceptuel. Merci Benoît. Merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !